Josué, chapitre 16. La part échue par le sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'occident vers la frontière des Japhlétiens, jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse, et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm, selon leur famille. La limite de leur héritage était, à l'Orient, Ataroth-Adar, jusqu'à Beth-Horon la haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmetat, au nord, tournait à l'Orient vers Tahanat-Silo, et passait dans la direction de l'Orient par Janoar. De Janoar, elle descendait à Ataroth et à Naharatha, touchait à Jéricho, et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuar, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm, selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut.